religion sacrifiée pour les bienfaits du profit, du progrès, de l'économie, du projet, de devenir un jour invincible. Tiens, face aux bombes, face aux lourds massifs, face aux marques de drogue et face aux gangs armés et calés, en ogive nucléaire, allez, ok, tous vous faire enculer. Tiens, on n'a jamais demandé de guerre pour de l'or, mais toujours manqué de paix pour leur tort. Elle fait du mauvais côté du décor. On sait partir défoncer un SMIC dans un loyer de l'or noir et de trois frites, pendant qu'ils roulent sur la gloire et la thune, en dépensant démesurément de façon volontaire le sol et l'air de la terre. Et fortuné, tu baisses la mer. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de ta France, on va la brûler. Génération hardcore, demande l'envers du décor. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de Marianne, on va violer. Avide de pouvoir et d'argent, la génération hardcore attend au tournant. On a grandi avec les tours dans l'entour, on a choisi de ne pas faire de détours. C'est en sursis sans que l'on retourne en sursis face à tout ce monde qui nous entoure, même si l'on sait les risques que l'on encourt. Rêve sur les parcours, jamais à court gros, jamais à court d'idées, jamais à court dans l'équité des boules. Les pareils auront foulé, sache que les poulets ici ne font pas long feu. Tout comme mortefeu, viens faire un tour dans ma banlieue. Celles qui disent de nos droits, à 40% de chômage, s'il n'y a pas de passe droit. Mais le respect est un hommage, même qui se gagne. Parfois dans les larmes, parfois dans les armes, et souvent dans les drames. Mais c'est l'érection de macadam, on se tanne. On est tanné, on a donné, tout reste à prouver dans nos idées. La liberté, solidarité dans nos quartiers, indépendants dans le phrasé. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de ta France, on va la brûler. Génération hardcore, demande l'envers du décor. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de Marianne, on va violer. Avide de pouvoir et d'argent, la génération hardcore attend au tournant. Ça fait peine à regarder quand on croise la haine dans l'air, gars. Les contrôleurs sur le quai de la gare, quand à côté nous embarquent dans les parcs pour outrage. Moi ça me fout en rage, parce qu'il est temps de faire le ménage. Ils rêvent de faire devenir sage, mais ne faut qu'attiser la rage. Y'a trop de violence dans les pages quotidiennes. Y'a ceux qui tentent et qui tiennent, et ceux qui se disent que c'est plus la peine. À quoi bon lutter pour un combat qui traîne? Mais l'espoir est là, et la soucherie ne baissera pas les bras. On a l'équipe, est toujours prêt à sprint, c'est la redite, gars. Ce combat date pas d'hier, une pensée pour les frères révolutionnaires. Mon six pieds sous terre, pire que des terres, forcer les politiques à se taire. L'esprit révolution, gravé dans notre chair. On a trouvé la solution, liberté totale, réaction. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de ta France, on va la brûler. Génération hardcore, demande l'envers du décor. C'est comme ça, génération sacrifiée pour la paix de Marianne, on va violer. Avide de pouvoir et d'argent, la génération hardcore attend au tournant.